Bonjour à tous et à toutes, enchanté, je m'appelle Xavier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des petits souvenirs de jeunesse. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite citation. Le 18 mars 2016, Fabrice Lucchini, invité au magazine de la Grande Librairie sur France 2, a dit « Le livre qui a changé ma vie, moi je vais faire une réponse hyper conventionnelle, banale, totalement attendue. » Mais c'est le voyage au bout de la nuit. C'est pas un roman, c'est une symphonie littéraire. Céline, c'est facile pour les gens qui lisent pas beaucoup. C'est comme Mozart. Il y a des gens qui sont pas des lettrés, qui ne savent pas lire les grands romans. Et Céline, il y a quelque chose qui est immédiat. Il y a quelque chose d'organique. Il y a quelque chose de... Je vais vous dire en un mot, je pense que c'est un immense poète. Et je mets pas de côté le scandale Céline. Mais ce livre a changé ma vie parce qu'il y a une immense adhésion à tout ce qui vit. C'est étrange, hein ? Fabrice Lucchini, que vous venez d'entendre à l'instant, a quand même réussi à nous faire connaître par le biais de son parcours professionnel, théâtral, cinématographique ou même personnel. Il a quand même réussi à nous faire connaître la plupart des grands auteurs français du XXe siècle, comme Céline, Rimbaud, Baudelaire et tellement d'autres. C'est lui, entre autres, qui m'a permis de pouvoir m'ouvrir encore plus à la lecture et au roman. De par cela, je vais me permettre de vous conseiller certains livres que j'ai lus sur plusieurs domaines qu'il puisse y avoir pour essayer de vous donner envie de vous ouvrir un petit peu plus à certaines cultures littéraires. Et le podcast commence maintenant. Sachant qu'il n'existe pas réellement un seul type de roman, mais plusieurs types littéraires et plusieurs couvertures littéraires, je vais essayer de vous proposer quelques livres sur plusieurs domaines, mais vraiment sur des domaines qui sont assez vastes. On va donc séparer ce podcast en plusieurs parties. Dans la première partie, nous allons aborder des livres qui vont nous amener à de la réflexion sur la société actuelle, par rapport à plusieurs petits faits ou alors des environnements de notre société actuelle. Ce seront des livres qui peuvent nous amener à certaines réflexions par rapport à tout ce qui peut nous entourer, mais toujours au sein de notre société et de notre environnement actuel. Dans la seconde partie, nous allons aborder les romans que l'on appelle dystopiques. La dystopie, c'est en fait partir d'un environnement actuel de nos jours, voire quelques années auparavant, mais pas beaucoup, et on se projette dans l'avenir, plusieurs années après, pour voir comment est-ce qu'un défaut de notre société actuelle peut être mis en exergue, vraiment approfondi, mais sur un très très grand volume, pour voir qu'est-ce que cela peut te donner comme autre type de société. Avec tous les défauts qu'il peut y avoir, tous les côtés néfastes qu'il peut y avoir. La dystopie est vraiment quelque chose qui est passionnant, parce que ça nous permet de nous projeter dans l'avenir, en fait, et ça nous fait prendre conscience des défauts qu'il peut y avoir aujourd'hui. Dans la troisième partie, nous allons aborder des romans d'aventure ou alors de suspense, mais qui ont un petit attrait spécial par rapport à notre société actuelle. Ce sont vraiment des livres qui peuvent nous donner une petite réflexion, en fait, par rapport à tout ce qui peut nous entourer. Ce seront des romans qui seront un petit peu plus généralistes par rapport à leur thème, mais en fond, il y a quand même une bonne réflexion sur la société qui peut nous entourer. Et enfin, dans la quatrième partie, ce ne sera pas des romans à proprement parler, mais ce sera plus des mangas. Mais voilà, ce sera vraiment des mangas pour adultes. C'est pas du tout le genre de choses vraiment pour les jeunes. Ce sera vraiment des mangas pour adultes parce que il y a de la réflexion par derrière sur notre conception de certaines choses que je vous expliquerai à ce moment-là. Donc, pour la première partie de ce podcast, on va aborder le thème sociétal. Je vais vous proposer le livre « Je vous demande le droit de mourir ». En sous-titre, cela s'appelle « Le droit de mourir dans la dignité », écrit par Vincent Imbert. Dans la réalité, il a été écrit par sa mère, Marie Imbert, avec l'aide de son fils qui, à ce moment-là, était alité presque dans le coma. Ce livre, ce n'est pas réellement un roman. C'est plus un témoignage qui raconte l'histoire d'un jeune qui menait une vie tout à fait normale, avec un travail, une copine, une vie stable, jusqu'au jour où il a eu un accident de voiture, il s'est retrouvé dans le coma, totalement alité. Son seul moyen de pouvoir communiquer avec l'extérieur, c'était de pouvoir jouer avec le pouce. En gros, après un certain nombre de temps et d'entraînement, il arrivait à bouger son pouce et à cligner des yeux pour pouvoir communiquer avec les personnes extérieures. Mais tout le reste du corps était totalement immobile. Par ce biais-là, il avait quand même la faculté de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mais c'était vraiment très très limité. Et en cela, au bout d'un moment, il souhaitait quand même pouvoir partir dans la dignité et pouvoir mourir tout à fait simplement sans qu'il y ait d'acharnement thérapeutique à proprement parler. Sauf que le corps médical et les institutions médicales refusaient cela. Dans leur conception, il faut vraiment essayer de tenir le plus possible dans l'espoir d'un rétablissement. Et justement, ce livre-là, c'est un livre témoignage quant au fait d'un désespoir familial et d'un combat entre les institutions et le bien-être personnel et d'une personne accidentée pour pouvoir essayer de trouver une solution. Comment combattre une institution par rapport aux souhaits d'une personne qui est alitée, qui est dans le coma, et par rapport aux souhaits familiales qu'il peut y avoir en parallèle. Je ne vais pas vous donner mon point de vue sur l'euthanasie, mais c'est quand même un livre témoignage qui est très fort, qui est très poignant. Je vais vous en lire un extrait. Page 63. 6 mois. Pendant 6 mois, maman n'a pas perdu espoir. C'est long, 6 mois. Mais elle était tellement persuadée qu'elle y arriverait. Même pendant mon coma, elle avait cette envie de réussir, de me faire vivre et de vivre à mes côtés comme si je n'avais qu'une simple angine. Souvent, elle mettait mon disque de Bob Marley à fond dans ma chambre. Les infirmières venaient la voir pour lui dire d'arrêter la musique et que cela allait me fatiguer et me perturber. Elle leur rétorquait. Mais non, Vincent a toujours aimé la musique forte et je lui mets sa musique forte. Apprendre, réapprendre à communiquer, faire des phrases m'a redonné du courage, m'a poussé à me battre dans l'espoir de redevenir celui que j'étais. Donc ce livre-là est vraiment une ode ou alors une lettre d'espoir pour pouvoir atténuer les souffrances de quelqu'un en dehors des textes de loi et des institutions normées. C'est vraiment poignant, c'est vraiment touchant. Moi j'ai versé ma petite larme pas mal de fois, même des grosses larmes, parce que c'est vraiment le témoignage d'une famille et d'un sentiment fraternel, d'un sentiment familial pour espérer trouver une issue à une situation qui est très compliquée et surtout quand on est face à des institutions médicales et politiques qui sont encore plus compliquées que cela. Le second livre que je vais vous conseiller, c'est le livre de Cyril Hanouna et de Christophe Barbier qui s'appelle « Ce que m'ont dit les Français ». Le sous-titre de ce livre, c'est « Cyril Hanouna livre à Christophe Barbier sa vision de la France ». Cyril Hanouna, tout le monde le connaît. En tout cas, une grande partie de la population française le connaît en tout cas car il a animé « Balance ton poste »,« Touche pas à mon poste » et voilà, plein d'autres émissions qui ont une partie animation, divertissement et une autre partie qui est vraiment sociétale, où il peut aborder des thèmes comme le racisme, la xénophobie, les violences, la discrimination d'une manière globale et avec souvent des témoignages qui sont vraiment larmoyants, qui sont vraiment dans la joie, dans la rigolade Et voilà, personnellement, c'est un animateur que j'aime bien parce que je trouve que c'est un animateur qui est populaire. Mais pour moi, populaire, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment un bon mot parce qu'il peut ouvrir des thèmes de société. Voilà, il peut ouvrir plein de portes à plusieurs thèmes de société à proprement parler. Et justement, sachant qu'il a eu quand même, je pense, une importance dans la vie sociétale, par exemple par rapport au mouvement des Gilets jaunes, par rapport au mouvement MeToo, par rapport au véganisme, par rapport aux personnes végétariennes, par rapport à l'homosexualité, avec aussi tous les défauts qu'il peut y avoir, toutes les contradictions, tous les problèmes qu'il a pu avoir, les sanctions et autres. Voilà, je pense que voilà, j'étais curieux de voir sa vision, de lire son bouquin pour connaître sa vision de la France d'une manière globale et de la société française. C'est pas vraiment de la France, mais c'est de la société française. Et ce bouquin est poignant parce qu'il donne la vision d'une personne qui est populaire, mais qui n'est pas populiste. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont et qui vont continuer à lui cracher dessus parce qu'il est, on pourrait dire, parce qu'il pourrait être parti pris sur certaines choses. Mais je pense que quand on lit ce bouquin-là, justement, on peut voir la vision qu'il a de la France. Ce n'est pas du tout une vision idéale parce qu'il y a beaucoup de défauts. Il reconnaît ses erreurs sur plein de choses, sur des sketchs qu'il a fait, sur sa vision tronquée de certains points de la société. Et c'est vraiment un livre qui est sans filtre. Et je vais vous en lire un ou deux extraits, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Page 45. Tandis que le chef d'État accomplit ce tour de France pour désamorcer le conflit, le mouvement Gilets jaunes s'autodétruit lentement. Dès la fin novembre, je percevais des fissures, des vices de forme qui ne font que s'aggraver. Pourquoi ce beau mouvement s'est-il perdu? Certains gilets jaunes sont saisis par l'ivresse du quart d'heure d'Andy Warhol. Leur but est de passer à la télé. J'ai entendu un gilet jaune dire « C'est mon heure de gloire. Moi, je fais BFM le matin et je suis sur CNews l'après-midi. Et le soir, je fais une émission en direct sur France Télé. C'est humain, mais c'est désastreux. » Un autre extrait du bouquin dit, page 181, « Le 23 mai 2017, je publie une lettre ouverte. Je suis bouleversé à la lecture de certains témoignages ou commentaires, sur les réseaux sociaux ou encore d'autres sur le plateau. Hier, ne touche pas à mon poste. Après la diffusion du sketch de mon émission Radio Baba, si ce canular n'a pas fait rire chacun avec tous et au contraire est apparu comme pouvant accentuer l'homophobie, alors c'est qu'au final, ce sketch n'avait pas lieu d'être. Cette fois-ci, ma liberté d'expression, celle que je chéris par-dessus tout et que je revendique comme mon emblème, a porté atteinte à autrui. Ce qui se passe depuis quelques jours autour de ce sketch me fait prendre conscience qu'aujourd'hui, en 2017, des homosexuels souffrent encore trop du rejet. Ce sketch est allé trop loin. Je n'ai jamais voulu les stigmatiser d'aucune manière. Je n'ai jamais voulu être malveillant, porter atteinte à quelque dignité humaine, à quelque vie privée que ce soit. Donc en fait, Cyril Hanouna, dans ce livre-là, est vraiment sans concession, est vraiment sans filtre. C'est vraiment un livre d'un témoignage d'un animateur qui essaye de prendre du recul avec une petite partie, même une grosse partie de rédemption sur plein de points qu'il avait abordés, où en fait, à l'antenne, il avait dû laisser aller, mais quand on prend du recul, quand il prend du recul encore plus, il a quand même réfléchi sur plein de choses. Et voilà, ce livre-là, c'est vraiment une réflexion totale sur la société actuelle. Ce livre est très loin d'être une réponse concrète à tous les mouvements qu'il peut y avoir en ce moment, mais c'est un livre témoignage d'un animateur populaire qui essaye de donner un point de vue, mais qui est très réaliste parce qu'il dit lui-même qu'il n'a pas réponse à tout, mais c'est vraiment un témoignage d'une personne populaire qui essaye de mettre en exergue et de mettre un point de vue supérieur à plusieurs problèmes de la société. Je le conseille énormément, même si concrètement il ne se donne pas toujours le bon rôle. Avant d'entamer la seconde partie de ce podcast, plus sur le thème de la dystopie, nous allons nous faire une petite pause musicale. And missing a thing, no, I do. And I wish that I could put it to machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build it to machine. I'd come and get you. I can't forget you. Donc d'écouter le chanteur qui s'appelle Lovely et qui nous a chanté et interprété I Miss You. Et maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de ce podcast en abordant le thème de la dystopie. Pour les personnes qui ne sont pas vraiment adeptes de la lecture dystopique, la dystopie se détermine comme une réflexion sur la société actuelle, mais de façon romancée sur l'avenir. Ça veut dire que l'on prend un point et un défaut de notre société actuelle, de notre monde moderne, on le met en exergue, on l'agrandit énormément, quitte à ce que cela aille sur un côté qui est totalement impossible, et on essaye d'en créer une autre société. Et justement, les romans dystopiques se basent beaucoup avec des actions qui ont lieu dans le futur, plusieurs années plus tard, mais avec un point d'ancrage dans notre monde actuel. Et justement, c'est vraiment très intéressant parce que cela permet d'avoir une réflexion sur tout ce que l'on peut vivre actuellement et comment est-ce qu'une société, dans l'avenir, peut vivre ou survivre avec tous les défauts qu'il peut y avoir, avec des conditions pour les hommes, pour les femmes ou pour l'environnement qui sont vraiment totalement négatives. La lecture dystopique, c'est vraiment assez déprimant d'une manière globale. Parce que tout est mis en exergue. Mais c'est vraiment une lecture qui est passionnante. Parce qu'il y a quand même beaucoup de réflexions sur notre société actuelle par rapport à un avenir qui n'est pas si loin que cela de nous. Je vais commencer par le roman qui s'appelle Vox de Christina Dalcher. Le synopsis de Vox, c'est en fait, dans une société future, la condition des femmes est vraiment amoindrie. Les hommes ont en fait une toute-puissance d'une manière globale et les femmes sont condamnées à ne pouvoir dire que 100 mots par jour. Ou plutôt dans leur vie, les femmes sont munies d'un bracelet à leur poignet où en fait, si elles dépassent 100 mots par jour, elles reçoivent un choc électrique. Et on suit en fait le parcours d'une docteure en sciences qui s'appelle Jig McKellan, qui est justement dans cette condition-là où les femmes sont vraiment amoindries. Et il va y avoir un moment où le gouvernement, du fait de son doctorat, aura besoin d'elle pour monter un projet gouvernemental. Au départ, un petit peu réfractaire, elle va être d'accord, mais il va y avoir une condition, c'est que sa condition des 100 mots par jour avec le bracelet électronique soit quand même amoindrie. Et simplement, elle va découvrir certaines choses que le gouvernement de cette société-là cache. Il va y avoir une grosse réflexion sur la condition des hommes et des femmes dans cette société. C'est un roman qui est un petit peu dur à rentrer dedans. Car en fait, on a toujours du mal à s'imaginer qu'une société comme cela puisse exister. Il y a quand même des phrases et des tournures qui nous démontrent que cela est possible, mais c'est quand même assez dur à rentrer dedans. Il faut quand même arriver sur la bonne moitié du livre pour pouvoir vraiment s'implanter dans cette société. Et c'est le genre de société futuriste qui peut arriver, ça peut paraître vraiment négatif ce que je dis, mais je pense que ça peut arriver, mais voilà, il faut des conditions qui sont bien spécifiques. Je conseille de rentrer dedans, mais voilà, il faut passer les 100 premières pages. Je vais vous en lire un extrait pour vous montrer un petit peu quel est cet environnement. Page 44. Les 100 mots de mon contour luit sur la bouche de Sonia. Entre parenthèses, Sonia, c'est sa fille. Je me tourne vers Patrick. Je l'implore, muette, sachant que si je parle, la LED passe à 101. Elle partagera inévitablement le choc de la décharge. Patrick me rejoint sur le lit, détache ma main de la bouche de Sonia, la remplace par la sienne. Chut, mon bébé, chut, papa est là. Papa ne laissera personne te faire de mal. Sam et Léo, entre parenthèses, les autres enfants, entrent dans la chambre. Ils se bousculent pour approcher et soudain, il n'y a plus de place pour moi. La mauvaise mère devient une mère inutile. Les deux mots rebondissent dans mon crâne. Merci, Patrick. Merci, les garçons. Je ne les déteste pas. Je me répète que je ne les déteste pas. Mais parfois, je les déteste. C'est un roman qui est prenant. Il y aura beaucoup de personnes qui vont dire le contraire. Je trouve que la fin est assez inattendue. Même s'il y a certaines réponses à des questions par rapport à cette société, il y a des petits manques, mais le rôle qu'il peut y avoir de chacun des antagonistes est quand même assez prenant. C'est vraiment un roman à découvrir, même s'il faut vraiment passer les 90-100 premières pages. Dans l'un des derniers podcasts littéraires que j'avais fait, j'avais parlé d'un roman qui s'appelle « La servante écarlate » de Margaret Atwood, qui nous mettait en exergue et qui nous dépeignait la société de Gilead, une espèce de société vraiment arriérée où en fait les femmes sont amoindries, où elles servent soit de maîtresse de maison, soit de mère porteuse, soit d'ouvrière ou de cantinière. Et où dans cette même société, à Gilead, les hommes ont vraiment le pouvoir sur tout. Durant ce roman, on suivait le parcours d'une femme qui s'appelle June, qui était servante et qui était là pour porter l'enfant du maître de maison. Le roman dystopique que je vais vous proposer, c'est la suite. Donc, je vous conseillerais de ne pas le lire si vous n'avez pas lu La Servante Écarlate. La suite s'appelle Les Testaments, toujours écrit par Margaret Atwood. L'action se passe plusieurs années après les événements de La Servante Écarlate, où on suit le parcours en parallèle de trois personnes. La tante Lydia, qui est l'une des maîtresses ou l'une des personnes qui formaient les nouvelles arrivantes à cette société. On suit aussi le parcours de Agnès, une adolescente qui vit au sein même de Gilead et qui voudrait essayer de voir qu'est-ce qui se passe en dehors de Gilead. Au fur et à mesure où le temps avance, elle sait qu'il y a quelque chose qui l'attend en dehors de cette société. Et elle va essayer de trouver des alternatives, des moyens pour partir justement, pour sortir de Gilead, pour découvrir peut-être simplement ce qu'elle est. Et on suit aussi le parcours de Daisy. C'est une adolescente qui, elle, vit au Canada, dont les parents ne sont pas obligatoirement ce qu'ils paraissaient être à la base. Tout ce que l'on sait, c'est que, sans spoiler quoi que ce soit, on sait que ses parents sont en fait des militants anti-Gilead, où ils voulaient à la base tout faire pour détruire cette société. Simplement, elle va découvrir certaines choses par rapport à eux qui fait qu'il va y avoir de l'introspection envers elle-même, où elle va devoir elle-même partir à Gilead pour pouvoir trouver des réponses à ses questions. Donc, un avis personnel, je trouve que dans La Servante Écarlate, on voit vraiment comment fonctionne cette société misogyne, parce qu'il faut dire que c'est comme ça, et en fait horriblement sexiste, de Gilead. Dans La Servante Écarlate, c'est vraiment l'environnement global et les personnages qui y vivent qui sont mis en avant et en exergue. Là, dans Les Testaments, c'est comme si on prenait une vue globale du dessus de Gilead, mais que l'on compare par le biais, je ne vais pas dire d'aventure, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment des aventures, mais on va dire par le biais de voyages et de réflexions sur chacun de ces personnages, tante Lydia, Agnès et Daisy, en comparaison de la vie qu'il peut y avoir au Canada, ça veut dire en dehors de Gilead, on voit un petit peu quelles interfaces, quelles interactions il peut y avoir entre ces deux pays. C'est assez prenant, l'écriture est quand même assez différente de La Servante Écarlate. Personnellement, j'ai eu du mal à rentrer, parce que c'est vraiment trois aventures, trois voyages et trois introspections des personnages en parallèle. Il faut vraiment réussir à suivre. Une fois que l'on est dedans, ça se laisse couler tout seul. Et on se prend au personnage et on comprend qu'est-ce qui peut se passer à Gilead dans la situation présente et dans l'avenir. Mais il faut vraiment prendre le temps de pouvoir bien séparer chacun des voyages. Même si, à partir du moment où l'on a compris comment fonctionnait chacun des personnages, quels étaient leurs buts, on se doute plus ou moins de la fin. Je ne vais pas en dire plus, mais si on arrive à se mettre à la place des personnages, on va dire que l'on comprend la fin du roman. Si on se place plus du point de vue de Gilead et que l'on n'arrive pas à se mettre à la place des personnages, quand on va jusqu'à la fin, je trouve que l'on a un autre point de vue, mais quoi qu'il arrive, on va dire que la fin ne laissera personne indifférent. Je vais vous en lire un extrait. C'est Agnès qui parle. Une fois dans la chambre de notre servante, quand j'avais doucement refermé la porte, je farfouillais ici et là. Qui était-elle en réalité? Et si elle était ma mère disparue? Je savais que c'était des affabulations, mais j'étais tellement seul. J'aimerais broder sur la manière dont les choses se passeraient si c'était vrai. On se jetterait dans les bras l'une de l'autre, on s'embrasserait, on serait tellement heureuse de s'être retrouvées. Mais après, je n'avais rien pour étoffer la suite, même si j'avais une vague idée que ça nous vaudrait bien des ennuis. C'est vrai que c'est un roman qui est quand même un pavé, parce qu'il fait 530 pages pour le grand format, mais une fois que l'on a réussi l'introspection des personnages, que l'on arrive à rentrer dedans, franchement, ça se lit tout seul et c'est réellement appréciable. Donc maintenant, pour la suite de ce podcast, je vais vous conseiller deux bouquins qui m'ont marqué. Le premier sera une référence à quelque chose que l'on a connu quand on était beaucoup plus jeune dans les années 80, en tout cas dans mon cas. Et l'autre, c'est un autre roman qui est plus une réflexion sur la société. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous faire une seconde pause musicale. Nous venons donc d'écouter Lose This de Dylan Hemmett. Et maintenant, nous allons pouvoir aborder cette avant-dernière partie du podcast en abordant les récits d'aventure. Mais en fait, en préambule, pour vous résumer un petit peu le premier livre d'aventure que je vais vous mettre en évidence, on va déjà se mettre une petite musique de souvenir et je pense que vous allez comprendre pour la suite. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle. Normalement, pour toutes les personnes comme moi qui sont nées dans les années 80, ou voire un petit peu avant ou après, environ, vous aurez tous reconnu le générique des Mystérieuses Cités d'Or, le dessin animé franco-japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez me poser la question, mais quel est le point commun entre les Mystérieuses Cités d'Or, Esteban, Zaotia, Sancho, Pedro et autres, et les romans? Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que à la base, les Mystérieuses Cités d'Or, c'est un roman de Scott Odell qui a été écrit en 1966. Donc, pour vous faire un petit peu un résumé du roman, alors, ce sera un petit peu compliqué de pouvoir comparer au dessin animé, parce que voilà, il y a plein de choses qui divergent. Voilà, je ne vais pas trop appuyer sur le dessin animé parce que je pense que la plupart des gens le connaissent. Je vais m'appuyer que sur le roman. Donc, le roman s'appelle exactement Les Mystérieuses Cités d'Or, La Route de l'Or, écrit donc par Scott Odell. Pour essayer de résumer le livre, si on se base sur le dessin animé, vous oubliez Sancho, Pedro, Tao. Ils n'existent pas dans le bouquin. On pourrait dire que dans le roman, Sancho et Pedro sont remplacés par Zuniga et Roa. Les caractéristiques physiques sont assez similaires entre le roman et le dessin animé de l'époque. Donc on pourrait dire que Zuniga, c'est un petit peu Pedro, et Roa, c'est un petit peu plus Sancho. Voilà, pour le côté bon vivant et un petit peu joyeux drill. Alors en fait, le roman Les Mystérieuses Cités d'Or, La Route de l'Or, c'est un petit peu le même contexte que le dessin animé. Il y a quand même beaucoup de choses qui divergent. On va dire que, voilà, on ne va pas prendre en compte le dessin animé. Le roman commence dans une prison. En fait, cela raconte l'histoire de Esteban, qui est en prison et qui va passer devant une juridiction espagnole parce qu'il aurait trouvé soi-disant de l'or dans une cité, il y a pas mal de temps en arrière, le long d'un périple. Et en fin de compte, le roman, c'est deux histoires en parallèle. On va dire qu'il peut y avoir deux chapitres sur le parcours d'Esteban à la recherche de l'or et des cités d'or, et en parallèle, son jugement au niveau du tribunal espagnol. Assez vite, en fait, il va rencontrer Mendoza. On apprend dans le roman quel est le prénom de Mendoza. Dans le dessin animé, on ne le sait pas, mais voilà, je ne vais pas le dire parce que voilà, c'est assez marrant, voilà, de pouvoir mettre un prénom. Donc voilà, c'est aussi pour vous conseiller de lire. Donc il va rencontrer Mendoza, Zia, Roa et Zuniga, et d'autres aventuriers comme Coronado et autres. On va dire que la quête même du roman n'est pas vraiment la recherche de la cité d'or. C'est plus en fait essayer de comprendre comment est-ce que Esteban, à la base, va justifier son voyage, son périple, à travers les Andes, l'Amérique du Sud, voilà, par rapport à plein de pays, par rapport à la juridiction en Espagne. Parce que bien sûr, les juges ne le croient pas. Voilà, il va se passer plein de trucs au niveau du tribunal par rapport à tout ce qu'il a vécu durant ses périples avec tous les aventuriers. Il va rencontrer énormément de peuples amérindiens, il va partir un petit peu sur le continent africain. Voilà, l'action se passe principalement sur l'Amérique du Sud. Donc voilà, je conseille énormément aux gens de le lire. S'amuser à comparer avec le dessin animé, ça ne vaut pas le coup, parce que même si la base est la même, ça diverge totalement au bout d'un moment. Donc voilà, mais même si c'est un roman pour la jeunesse, la façon dont c'est écrit, c'est assez adulte, quoi. C'est assez intéressant. J'aime beaucoup le style d'écriture de Scott Odell. Voilà, il y a un petit truc qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, à côté de cela, on peut s'amuser à comparer un petit peu avec le dessin animé originel, parce qu'en fait, voilà, sans revenir sur le dessin animé, voilà, Esteban, dans le roman, il est simplement cartographe. Il n'y a pas d'histoire de... Voilà, c'est simplement un cartographe qui étudie les cartes pour parcourir le monde. Il rencontre Mendoza, qui va se servir de lui pour partir aussi à la recherche des cités d'or. Mais déjà, le caractère de Mendoza est très différent de la version animée. La finalité aussi. Et voilà, il y a plein de trucs qui changent. Il faut vraiment rentrer en introspection avec les personnages, parce que chaque personnage a vraiment un caractère précis. Zia est vraiment, qui n'a pas obligatoirement de fort caractère, mais qui est quand même assez importante, car elle sert de traductrice entre les Espagnols et les Indiens. Et c'est vrai que de par ses origines, elle va contribuer un petit peu au cheminement de l'aventure pour découvrir les cités d'or aussi. Donc voilà, elle a aussi un dessin qui est très particulier. Voilà, faut vraiment rentrer dans le roman. Au départ, ça peut paraître un petit peu long, mais vraiment très, très rapidement, on rentre dedans. Ça se lit facilement. Si on est un bon lecteur, en 2 semaines, 3 semaines, voilà, en lisant sur un rythme régulier, on peut le finir. Voilà, c'est objectivement, voilà, l'aventure et la fin est pas mal. Bon, ça ne casse pas 10 pattes à un canard. Et voilà, c'est sympa à lire. C'est marrant. Il y a toujours du suspense un petit peu par-ci par-là. Voilà, je vous dirais, essayez donc, vous verrez bien. Ou alors, en parallèle de l'histoire, essayez aussi, pour voir l'écriture de Scott Odell. C'est vrai que c'est une écriture qui est pas mal, parce que ça rentre pas mal dans les détails. On sent un petit peu l'ambiance de l'époque, les colonisations, l'ambiance du pays, les confrontations, voilà. Simplement, son écriture est vraiment pas mal. Pour essayer de vous donner envie, je vais vous en lire un petit morceau. Page 107. Peu de temps avant cette rencontre, le capitaine Mendoza m'avait fait appeler. « Vous aurez besoin de ça, me dit-il. Nous nous trouvions à 10 pas derrière Coronado, abrités des Indiens par lui et ses officiers. » Mendoza me tendit un mousquet. « Et que dois-je en faire ? » demandai-je. « Idiot, vous visez les Ciboliens et vous tirez. »« Mais je ne sais pas me servir d'un mousquet, » protestai-je. « J'en ai déjà vu, bien sûr, mais je ne sais pas m'en servir. »« Je vais vous montrer, regardez bien. » Et il m'expliqua comment planter le pied qui soutenait l'arme, comment préparer la charge et faire feu. Il n'y a rien de bien difficile à comprendre dans le maniement d'un mousquet. C'est beaucoup plus simple qu'une arquebuse. Mais je suis cartographe, dis-je encore. Pas un soldat. Je ne veux tirer sur personne. Mendoza eut un rire sans gaieté. Vous apprendrez bien assez tôt à tirer. Lorsque vous recevrez une flèche dans votre plastron, vous deviendrez soudain un soldat. Préférez-vous être un soldat mort ou vivant ? Ni l'un ni l'autre, répondis-je sans mentir. On peut voir par cela que les protagonistes sont assez différents quand même, parce qu'il y a aussi des caractères. Donc voilà, franchement, essayez, ouvrez-le, lisez au fur et à mesure et vous allez voir, ça se lit tout seul et très bien. Le deuxième roman d'aventure que je vais vous conseiller s'appelle « Sa Majesté des Mouches » de William Golding. C'est un roman qui est assez intéressant parce qu'il y a quand même une philosophie par derrière. L'histoire, c'est en fait, alors on ne sait pas trop comment, des jeunes, des enfants, dont l'âge navigue entre 8 et 15 ans, se retrouvent abandonnés sur une île sans adultes. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe. On nous fait un petit peu le signe comme quoi il y aurait un crash d'avion, mais c'est pas trop sûr à 100%. Voilà, il y aurait des petits signes par-ci par-là, mais voilà, c'est pas sûr à 100%. Et en fait, sur le principe, cela montre en fait comment est-ce qu'un groupe d'enfants peut se créer sa propre société s'il n'y a aucun repère d'adulte. Le début du roman commence par deux jeunes que l'on met en avant et qui se retrouvent sur l'île et qui vont commencer à explorer l'île. Ils vont rencontrer d'autres jeunes, d'autres enfants, et il va y avoir des clans qui vont se créer, parce qu'il y en a certains qui veulent essayer de trouver du secours, d'autres qui veulent essayer de trouver de la nourriture, d'autres qui vont baisser les bras très rapidement. Et donc voilà, c'est en fait comment est-ce qu'une société sans repère adulte peut se créer par rapport à l'innocence des enfants, par rapport à leur âge et par rapport à leur façon de penser. C'est très intéressant. Il y a aussi bien du suspense, de la mort, de l'écriture, des souvenirs. Même pour nous lecteurs, cela peut nous ramener à plusieurs années en arrière parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que l'on ferait à leur place ? C'est l'écriture de Golding est assez intéressante parce que il se met à la place des enfants. Mais vraiment, on sent le regard adulte. Il y a quand même une écriture spécifique des adultes, mais qui essaye de retomber sur l'enfance. C'est très étrange. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même beaucoup de petits détails par-ci par-là qui arrivent. On peut s'y perdre un petit peu à certains moments, mais voilà, l'écriture, même la fin, on ne s'y attend pas. Il y a eu deux films qui ont été adaptés par rapport à ce roman, et même deux films et même une série télé beaucoup plus tard qui s'appelle The Society, de tête. Mais voilà, je trouve que le roman est vraiment pas mal. La fin, on ne s'y attend pas. Enfin, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient s'y attendre. Moi, quand j'ai vu la fin, j'étais sur le derrière, on va voilà, pour être très poli. Mais voilà, c'est vraiment pas mal, c'est bien écrit. C'est dur par certains moments parce que, voilà, on se met aussi à leur place. Même si on peut avoir 30, 35, 40, 45 ou voire plus en âge, quand on rentre dedans, l'écriture de William Golding fait que l'on se met à la place du môme. Et c'est vrai que quand on se met à leur place, voilà, on a obligatoirement un regard différent. Donc voilà, moi je le conseillerais parce que c'est... on rentre dedans. Voilà, on rentre plus ou moins facilement, mais quand on est dedans, on a du mal à le lâcher. Et maintenant, ben, nous allons nous faire une dernière pause musicale avant la dernière partie du podcast. Et voilà, nous venons donc d'écouter la chanson Addict du groupe Paris. Et à la suite de cela, nous allons donc pouvoir entamer la dernière partie de ce podcast qui ne sera plus vraiment réservée à des romans, mais plus à des mangas BD que je vais vous conseiller très fortement et pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur, mais très très fort. Donc dans cette dernière partie, je vais vous conseiller fortement, non plus des romans, mais en fait des mangas, des bandes dessinées japonaises qui ont été écrites et dessinées par Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi est un grand dessinateur au Japon qui a vécu donc, durant le XXe siècle et qui vient d'une famille assez pauvre, assez démunie et qui a toujours voulu, au fur et à mesure, sans rentrer totalement dans sa biographie, et qui a voulu rentrer plus ou moins rapidement dans le dessin, pour pouvoir mettre en avant justement les difficultés de certains contextes familiaux. Et en cela, il a fait vraiment certains mangas... comment est-ce qu'on va dire ça ? On va dire qu'il a mis sous forme de dessin de véritables œuvres romanesques ou alors des œuvres réelles de la tradition japonaise. C'est vraiment un dessin qui est assez fin, précis, car les expressions des personnages, le côté vivant des paysages, font que le lecteur arrive vraiment à s'imprégner de l'air japonais et du... comment est-ce qu'on va dire ça ? Et de la tradition japonaise, tout en gardant l'émotion que chacun des personnages qu'il dessine laisse transparaître. Je vais donc vous conseiller deux mangas qui sont de véritables fresques familiales. La première s'appelle « Le journal de mon père ». À la base, l'action se passe dans la ville de Haneda, au Japon. Cela raconte l'histoire d'un adulte qu'ils appellent Yoshi et qui vit intégralement énormément pour son travail. Et simplement un jour, il reçoit le coup de fil de quelqu'un qui lui apprend que son père s'appelle Takeshi, est mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yoshi a vécu un énorme tourment familial quand il était beaucoup plus jeune et en fait... il n'a jamais pu dire directement au revoir à son père. Il est parti assez rapidement de chez ses parents. Je ne vais pas rentrer dans le contexte familial par rapport à tout ce qui s'est passé, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il va devoir retourner dans sa ville natale, qui s'appelle Tottori, au Japon, et il va arriver en fait à l'enterrement de son père. Et à ce moment-là, il va y avoir toute la famille qui va être réunie, sa mère, sa sœur et autres, qui va faire qu'il va retourner dans son enfance. Il va se souvenir de tout ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu plein de tourments. C'est le journal de mon père, c'est vraiment une fresque familiale qui fait que l'on peut se poser beaucoup de questions lorsque l'on devient adulte et quel regard on peut avoir sur sa jeunesse. Comment est-ce que l'on était il y a plusieurs années en arrière? C'est assez joli, c'est très beau, c'est dur, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est un manga qui est assez prenant car... je pense que Jiro Taniguchi, de par son dessin, comme il arrive à nous faire retransmettre l'émotion des personnages, on arrive à s'intégrer totalement à l'histoire. C'est vraiment une belle fresque familiale que je vous conseille énormément. Le second manga que je vais vous conseiller, c'est toujours de Jiro Taniguchi, qui s'appelle Quartier lointain. On suit en fait le parcours d'un adulte qui s'appelle Hiroshi Nakahara et qui habite à Kyoto. Et en fait, c'est un adulte qui est pris énormément par son travail, qui commence un petit peu à délaisser sa femme et ses enfants. Ce qui se passe, c'est que à un moment, en rentrant du boulot, il prend un train, pensant rentrer chez lui à Kyoto. Et on ne sait pas trop pourquoi exactement, mais il prend un mauvais train. Et il prend le train qui est en direction de Kurayoshi. Kurayoshi est en fait la ville où il a vécu lorsqu'il était beaucoup plus jeune, de sa naissance jusqu'à sa période d'adolescence. Il va donc arriver dans ce village et il va errer, marcher un petit peu. Il va passer par hasard devant le cimetière où est enterrée sa mère qui s'appelle Kazue. Comme ça fait longtemps qu'il n'était pas retourné, il va devant la tombe. Et on ne sait pas trop par quel phénomène, qu'est-ce qui se passe, il s'écroule devant la tombe de sa mère. Il se réveille dans son propre corps, mais quand il avait 14 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hiroshi Nakahara a vécu un énorme traumatisme familial, que je ne peux pas dire à ce moment-là. Mais il a vécu un énorme choc, une incompréhension, un gros problème familial qui a fait que, au fur et à mesure, il a enfoui ça au plus profond de lui. Et justement, le fait de retourner dans son propre corps lorsqu'il avait 14 ans, ça va lui permettre de pouvoir peut-être trouver des réponses à des questions. C'est vraiment un manga qui est assez appréciable parce que tant au niveau de chacun des personnages que de l'environnement, on arrive à intégrer la culture japonaise, les traditions culinaires, les traditions sociales, les relations familiales, les relations professionnelles et autres. C'est vraiment une finesse de travail qui est vraiment précise et passionnante. Et simplement pour le dénouement, on peut essayer de se mettre à la place du personnage principal. Un contexte familial compliqué qui peut amener sur une vie professionnelle lorsque l'on est adulte, réelle, mais lorsque l'on prend du recul, il peut y avoir beaucoup de regrets. Je pense que c'est sincèrement le manga principal que je vous conseillerais le plus, au moins pour découvrir Jiro Taniguchi. Et voilà, donc ce nouveau podcast littéraire est maintenant donc terminé. J'espère que les petits conseils que je vous aurais donnés, ou alors prêtés en tout cas, vont pouvoir vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux styles de lecture, tant sur le côté sociétal que sur le côté aventurier, ou alors traditionnel, aussi bien au niveau des romans principalement que pour les bandes dessinées japonaises, donc pour les mangas. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne découverte pour les personnes qui vont se lancer sur ces nouvelles lectures et je vous dis à bientôt sur un nouveau thème. Au revoir.